Le jeune homme se présenta, navré de douleur, à Delphine, et la trouva coiffée, chaussée, n'ayant plus que sa robe de bal à mettre. Delphine, ayant accepté d'aller voir son père, mais uniquement après le bal tant attendu chez Madame de Beauséant, Eugène y accompagne malgré lui. Sa cousine, la vicomtesse, se sachant définitivement abandonnée par le marquis d'Ayoude, s'efforce de faire bonne figure à ce bal où le monde semblait s'être paré pour faire ses adieux à l'une de ses souveraines qui partit le soir même pour aller s'ensevelir au fond de la Normandie. Rastignac s'en alla vers 5 heures après avoir vu Madame de Beauséant dans sa berline de voyage. Il revint à pied vers la maison Vauquer, par un temps humide et froid. Son éducation s'achevait.